إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui c'est le cours 63 dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan et on est dans le chapitre 20 et c'est ce chapitre le titre c'est باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قدر رجل صالح فكيف إذا عبده c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de la sévérité de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'une tombe ou auprès de la tombe d'un homme pieux. Donc si on dit que c'est grave d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de la tombe d'un homme pieux, alors que pouvons dire donc au sujet de la personne qui l'adore, c'est-à-dire qui adore cette tombe. Donc c'est encore plus grave. La semaine passée, dimanche, on a terminé le cours en expliquant l'introduction de ce chapitre. Donc aujourd'hui, on va rentrer directement dans le cœur du sujet en commençant par lire le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. C'est في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيفة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim je crois et on va vérifier ça oui c'est Al-Bukhari et Muslim ce hadith là c'est rapporté selon Aïcha radiallahu anha qui a dit que Salama radiallahu anhuma elle a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des églises qu'elle a vues quand elle était en Éthiopie. Parce qu'il y a un groupe parmi les musulmans qui ont fait le hijra vers Al-Habasha, l'Éthiopie. Lorsque les traitements des mouchriquins envers les musulmans étaient devenus trop durs et qu'ils faisaient beaucoup de mal aux musulmans, eh bien, certains parmi les musulmans ont quitté Mecca pour aller en Éthiopie. Parce que là-bas il y avait un dirigeant, un roi qui était chrétien et qui était honnête et qui était juste. Donc ils sont partis là-bas pour se réfugier et pour pouvoir pratiquer leur religion en liberté. Donc une fois arrivés là-bas, Salama, elle a vu dans les églises certaines choses. Parmi les choses qu'elle a vues, c'est des statues ou des images qui étaient dessinées dans les églises. Et donc ça, aujourd'hui encore, on peut les voir. Si on rentre dans les églises, on voit aujourd'hui des statues et on voit des images, des peintures et toutes sortes de représentations de différents êtres humains, que ce soit Jésus ou Marie ou des saints, dans l'église catholique en particulier et orthodoxe aussi. Donc, quand elle a mentionné ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la réaction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était de dire, ces gens-là, lorsque un homme pieux parmi eux, ou un serviteur pieux meurt, ils construisent sur sa tombe un lieu de culte ou un lieu d'adoration, une mosquée ou un lieu de prière, hein, un lieu pour aller prier. Et donc, et ils font à l'intérieur de ces lieux-là des statues ou des dessins comme ça, des images. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé en disant « Oulaïka shirarul khalqi indallah » Ceux-là sont les pires créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les pires créatures. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat, c'est quoi cette surat dans le Coran? Oulaïka hum sharrul bariya, inna lazina kafaru min ahlil kitab wal mushrikeen, fi nari jahannama khalidina fiha, oulaïka hum sharrul bariya. C'est-à-dire, al-bayyina, barakallahu fiqh. Donc, dans surat al-bayyina, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, et les mushrikeen sont dans l'enfer, le feu de l'enfer, et ils vont brûler. Finari jahannama khalidina fiha. Ils vont être dans l'enfer pour l'éternité, et ils sont les pires des créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, dans surat al-bayyina, il dit que il dit que أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ, c'est-à-dire sont les pires des créatures, et il dit الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les gens du livre, il y en a qui ne sont pas kuffar. Il y en a parmi les gens du livre qui sont kuffar, et il y en a parmi les gens du livre qui ne sont pas kuffar. C'est qui ceux qui ne sont pas kuffar parmi les gens du livre? C'est ceux qui ont vécu avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont cru à leur prophète, et qui n'ont pas fait shirk, et qui n'ont pas déformé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui ont accepté la religion telle qu'elle était à l'époque avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont soit avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé de croire en un de leurs prophètes, ou bien un de leurs livres, hein, comme les Juifs par exemple, qui ont refusé de croire en Isa, ou de croire en Al-Injil. Puis, après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens du livre qui ont refusé de croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et au Coran font partie des kuffars parmi Ahlul Kitab. Donc, c'est pas correct de dire comme certains groupes ou certains individus aujourd'hui qui disent que les gens du livre ne sont pas des koufars, ils disent que ce sont des croyants. Non, ce ne sont pas des croyants, parce que tous les gens du livre qui sont nés après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont refusé de croire en lui, et qui ont entendu parler de son message et qui ont refusé de croire en lui, ceux-là sont des koufars parmi les gens du livre, ils ne sont pas des croyants, ils ne sont pas des musulmans non plus. Donc ça c'est très important de comprendre ça. Même si ils sont très religieux, même s'ils sont très pratiquants, même s'ils sont honnêtes et gentils avec les musulmans, ils sont des koufars. Parce que être un kafir, ça n'a pas rapport avec la gentillesse. On peut être le plus gentil au monde puis on ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens des fois ils mélangent entre ça. La foi et la gentillesse c'est pas nécessairement des choses qui vont ensemble. Même si un musulman il n'est pas gentil, et qu'il est mu'min, il est sur le tawhid, hein, et il est un musulman, il croit en Allah, il fait pas de shirk, il fait ce qu'il peut de la religion, mais il est pas gentil, il est méchant des fois avec certaines personnes, même avec certains musulmans parfois, pour des choses de la dunya, ben il est mieux que le kafir qui est gentil. Et ça c'est très important de comprendre, malgré que c'est très difficile à comprendre pour des personnes qui pensent uniquement sur un plan matérialiste, soit, et ça c'est un problème aujourd'hui. Donc, on revient à ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oulaïka shirarul khalqi indallah ». Maintenant on va lire l'explication du Cheikh Fawzan, hein, hafizahullah, à ce sujet-là. Il dit « Qala wa fi sahih, hein, fi sahih, yani fi sahihayn, sahih al-Bukhari wa sahih muslim. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية زوج أبي سلمة هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين، الهجرة على الحبشة والهجرة إلى المدينة. وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه. Le cheikh dit que c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha, radiallahu anha, qui est la mère des croyants, une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq. Salama, c'est rapporté, c'est Aïcha qui rapporte les paroles de Salama, et Salama, son nom, c'est Hind, fille d'Abi Umayya al-Makhzoumiya, c'est-à-dire qu'elle vient de la tribu de Makhzoum, qui est une des tribus de Quraysh, ok? Et donc, elle fait partie des femmes parmi les nobles de, parmi les Arabes. Et elle était l'épouse de Abu Salama. Et elle a fait les deux hijras avec son mari. Elle a fait la hijra vers l'Éthiopie la première fois, et elle a fait la deuxième hijra de Mecca vers Al-Madina, ou bien de Al-Habasha vers Al-Madina, un des deux. Allahu a'lam. Donc, elle a fait les deux hijras. Et lorsque son mari est mort à Médine, à Médine, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Salama. Et donc, elle est devenue une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une des mères des croyants. D'accord? Ensuite, le cheikh dit أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة. الكنيسة هي معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم. أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه وينقطع عن الدنيا، والصومعة للأفراد من النصارى، أما الكنيسة فهي للجميع. الشيخ explique que elle a dit qu'elle a vu dans une église des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, en Éthiopie, et elle a mentionné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le mot église en arabe, c'est kanisa. Et le cheikh, il explique que c'est le lieu d'adoration où se réunissent les chrétiens le dimanche pour prier et pour faire leurs adorations. Ok? Et il explique un autre mot arabe qui est as-sawma'a, c'est-à-dire les monastères. C'est les monastères, et ça c'est un lieu de prière, mais plus particulier que l'église, parce que c'est pas tous les chrétiens qui vont dans les monastères, c'est uniquement certains particuliers parmi eux qui se coupent de la vie et qui veulent uniquement se consacrer à la prière et à l'adoration. Et on sait que ça c'est une bid'a, bien entendu, ça n'existe pas dans l'islam. Et même Allah dit dans le Coran wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Donc c'est une innovation, mais ils ont inventé ça et ils croyaient que c'était quelque chose de bon. Bon, il y en a parmi les musulmans qui ont voulu faire ça aussi, comme les zawaya et les trucs de ce genre parmi les soufis, hein, qui veulent se couper de la vie d'ici-bas, puis se consacrer juste à la prière et au dhikr et au jeûne et des trucs de ce genre, et ils ne veulent pas se marier, donc ils se séparent de tous les plaisirs de la vie, soi-disant, et ça c'est contraire, on a expliqué déjà que c'est contraire à l'islam. Donc, le monastère, c'est spécifique à certains chrétiens, comme les moines et les religieuses, hein, qui se coupent de la dunya, puis l'église, c'est pour tous les chrétiens en général. وما فيها من الصور يعني صور الصالحين من صور الصالحين أولئك بالكثر خطاب لأم سلمة ويجوز الفتح أولئك خطاب للمذكر ولكن الكثر أشهر لأنه يخاطب المرأة أو يخاطب امرأة أولئك أولئك c'est-à-dire parce que le prophète صلى الله عليه وسلم s'adresse à une femme, donc en arabe la kathra après le kaf c'est pour le féminin, c'est comme quand on dit kitabuka ou kitabuki. Kitabuka c'est pour un homme, ton livre. Kitabuki c'est pour une fille, c'est-à-dire ton livre, et c'est ça qui distingue le masculin et le féminin. Donc le chef il explique ça par rapport à ici dans ce sens-là, parce qu'il s'adresse à une femme, donc ce serait mieux de dire إلى أولئك وأولئك إذا مات في فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا شك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو عبد وهذا من تحريهم في الرواية رضي الله عنهم أنه لم يجزم باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم Ici, dans le hadith, on voit que le narrateur a eu un doute dans le mot qui a été utilisé. Il dit, lorsque un homme pieux ou un serviteur pieux meurt, le narrateur a douté. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme pieux ou un serviteur pieux, un abd pieux, salih? Donc, le cheikh, il dit donc que le narrateur a douté au sujet du terme qui a été dit exactement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous montre comment les sahaba étaient très très précis et méticuleux dans la narration des hadiths, et qu'ils ne disaient pas quelque chose avec certitude lorsqu'ils n'étaient pas certains que de tel ou tel mot qui avait été utilisé. Et donc, on voit que lorsqu'il a le doute, il le mentionne et il ne spécifie pas ou n'utilise pas un terme lorsqu'il n'est pas certain. وبنوا على قبره مسجدا أي المصلى فالمراد بالمسجد هنا المصلى أو والمتعبد يعني اتخذوا عليه كنيسة يتعبدون فيها فسمي مسجدا c'est-à-dire ils ont construit sur sa tombe une mosquée ici c'est le terme masjid qui a été utilisé mais le cheikh dit c'est un lieu où on prie un lieu pour adorer ou pour faire des adorations. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Que ce soit une église ou autre, c'est pas, l'important c'est qu'on comprenne que c'est un lieu pour faire des prières. وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أي صُوَرَ الصَّالِحِينَ يَنْصِبُونَهَا فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ بَابَ الْغُلُوِ فِي الصَّالِحِينَ وَتَخْلِيدِ شَخْصِيَاتِهِمْ واتخاذ التماثيل تخليدا للشخصيات من هذا الباب واتخاذ التماثيل تخليدا للشخصيات من هذا الباب وهو من باب تعظيم الصالحين وتعظيم العظماء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء السلاطين والملوك هذا لا يجوز في الإسلام لأنه وسيلة إلى الشرك ولا سيما في مواطن العبادة كالمساجد ومحلات العبادة فهذا الأمر أشد لشيخ دي qu'il faisait dans ces endroits-là, là où les hommes pieux étaient morts, des statues ou des images de ces hommes-là. Et il les mettait dans cet endroit-là, et ça fait partie de l'exagération que ces gens-là ont fait envers les hommes pieux. Et dans le but soi-disant de préserver leur rappel pour que les gens continuent à se rappeler d'eux même après leur mort et puis que leur nom ne soit pas oublié soi-disant, ok. Et le cheikh il dit parfois aussi les gens font ça même pour les hommes qui sont soi-disant les grands hommes dans l'histoire, hein, comme les personnages politiques et des choses de ce genre. Ils sculptent ou ils font des sculptures, des statues de leur personne et ils les mettent sur des places publiques dans les pays, soit des pays non musulmans, mais aussi dans les pays musulmans parfois on voit des trucs comme ça. Et le cheikh il dit que ça c'est pas permis dans l'islam de faire des choses pareilles et que ça c'est un moyen pour amener les gens à tomber dans le shirk, en particulier lorsque ces choses-là sont dans les endroits d'adoration. Comme les mosquées ou les endroits où les gens se réunissent pour adorer. Alors dans ce cas-là, c'est encore pire. Le cheikh il dit ensuite, ثم قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله فدل على أن من بنى المسجد على القبر أو صور الصور ونصبها أنه من شرار الخلق والشرار جمع شر وهو أفعل تفضيل والمراد منه أشد الناس شرا فدل على أن الذي يبني المساجد على القبور أشد الناس شرا والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور لأنهم فتحوا للناس باب الشرك بهذا الفعل وتسببوا في انحراف الأمة وما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم الشيعة الفاطميون ثم قلدهم من قلدهم من المنتسبين إلى السنة من الصوفية وغيرهم فبنيت المساجد على القبور في الأمصار ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنها وفتنتها وحدوث الشرك في الأمة الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه شرك صراح وأصبحت هذه وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وأصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانا تعبد من دون الله فيظن أصحابها أن ذلك من الإسلام وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام كالذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون فهم شرار الخلق وإن كانوا يزعمون في أنفسهم أن ذلك إصلاح وأنهم خير الخلق. Le Cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite que ceux-là sont les pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous montre que des personnes qui ont construit des mosquées ou des lieux de prière sur les tombes ou qui ont dessiné ou construit ces statues, mis ces images à ces endroits-là, donc ceux-là sont les pires créatures. Et aujourd'hui, parmi les musulmans, souvent on aurait l'impression que les pires créatures, c'est des gens qui vont faire des grands péchés. Hein. Et pourtant, c'est pas ça les pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gens qui font le shirk ou qui appellent les gens au shirk. Hein. Et c'est pour ça que des fois on n'a pas vraiment, on met pas les choses dans leur bonne perspective quand on n'a pas compris l'importance des fondements et des bases. Donc le cheikh il dit que ceux-là sont les pires. Et le terme qui est utilisé dans le hadith, shirar, c'est le pluriel de char. Et char, ça veut dire bien entendu le mal. Hein. Mais c'est dans le sens de af'al, dans le sens de af'al mais tafdil, ok? C'est-à-dire c'est une construction des lettres comme qui donne le sens de quelque chose de plus. Comme tu dis par exemple Kabir, Akbar. Hein, pour dire grand, tu dis Kabir. Mais tu veux dire plus grand, tu dis Akbar. Hein, quand tu dis Allahu Akbar, tu dis Allah est le plus grand. Tu dis pas juste Allahu Kabir, tu dis Allahu Akbar, min kulli shay, il est plus grand que tout. Donc, char, si tu dis par exemple yani char dans le sens qu'il est utilisé ici, shirar, ça veut dire le pire, ça veut pas juste dire qu'il est mauvais ou qu'il est mal, mais qu'il est le plus mal, le plus mauvais. Et c'est dans ce sens-là. Achadunna c'est sharran, c'est-à-dire les gens qui sont les plus durs et les plus éloignés et plus graves dans le mal, c'est ceux-là. Ok? Et c'est dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans ce hadith. C'est ceux qui ont construit sur les lieux, sur les tombes, des lieux d'adoration. Et dans le hadith qui va suivre, qui va être mentionné plus tard, comme le cheikh dit, il y a un autre hadith qui dit, les pires créatures sont ceux qui vont être vivants au jour où l'heure du jugement dernier va être établie. Donc ceux-là, ça va être les pires créatures. La taqoum sa'a illa ala ashrar al-nas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure du jugement dernier, quand il va venir, ça va être les pires créatures. Et même il y a un autre hadith qui dit, la taqoum sa'a illa wa la yuqalu fil ard Allah Allah. C'est-à-dire, lorsque l'heure du jugement dernier va arriver, il n'y aura même plus une seule personne qui va même mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que ça va être les pires créatures qui vont être vivants à ce moment-là. Et le cheikh il dit aussi la suite du hadith, que ce sont eux les pires créatures, et ceux également qui ont construit sur les tombes des lieux de prière, ou des lieux d'adoration. Donc ceux-là, c'est les pires créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. لأنهم فتحوا parce que eux ils ont ouvert la porte aux gens pour le shirk en faisant ça et ils ont été la cause de l'égarement de la nation tout entière parce que le shirk dans la umma il arrive toujours à cause de ce genre de choses là à cause de l'adoration des tombes et les premiers qui ont construit sur les tombes parmi la umma de l'islam parmi les musulmans ou parmi ceux qui se disent musulmans Eh bien, c'était comme le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, hafizahullah, rahimahullah, oui, pardon. Comme le Cheikh rahimahullah Ibn Taymiyyah, il a dit que c'était al-Shi'a al-Fatimiyoun. Ok? Al-Shi'a al-Fatimiyoun, c'est les chiites ou une secte parmi les sectes des Shi'a qui ont pris le pouvoir en Égypte et dans différentes parties du monde musulman à l'époque. Et Pardon Non. Ouais, cette secte-là, ils étaient avant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et puis c'est ce qu'on appelle Al-Batiniyya, Al-Batiniyoun. Ils font partie des sectes ésotériques parmi les Shias. Al-Dawla Al-Fatimiyya, ce sont des Batiniyoun. Ce n'est pas des Shias Rafidah. C'est une autre secte de Shia qui est pire que la secte des Rafidah. Ce sont des Batiniyya, et en particulier de la secte qu'on appelle Al-Ismailiyya. Al-Ismailiyya ou Al-Qaramita, ils ont plusieurs noms, ok? Mais ils font partie de cette secte-là. Et cette secte-là, on les appelle Batiniyya, pourquoi? Parce que c'est eux qui divisent la religion en Batin et Zahir. Ok, et c'est-à-dire quand ils disent batin, c'est le côté qui est caché, soi-disant, de l'islam. Comme si pour eux, il y a une partie de l'islam qui est zahir, c'est-à-dire la charia que tout le monde connaît, que tout le monde peut lire dans le Coran, etc. Mais il y a un autre côté de la religion, soi-disant, qui est caché, qui ne peut pas être connu des gens, excepté par ceux qui font partie de leur secte et qui ont été initiés à leurs croyances secrètes, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle al-Batiniyoun. Et parmi leurs croyances et leurs idées secrètes, soi-disant qu'ils disent, eh bien, il y a des principes, bien entendu, qui sont le rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le rejet de la foi en le paradis et l'enfer. Ils disent que tout ça, c'est majaz. Ils disent que tout ça, c'est symbolique, c'est pas réel. Et puis, il renie l'obligation de la prière, l'obligation du jeûne et des choses de ce genre. Donc pour eux, tout ça c'est pour les gens ordinaires, les musulmans simples qui comprennent pas. Mais pour ceux qui ont atteint un niveau, qui sont très avancés, qui ont été initiés à leur connaissance secrète, ils ont plus besoin, soi-disant, de faire ces choses-là, parce que c'était pas vraiment ça le but, selon eux, des prophètes. Et puis pour eux-mêmes, un prophète, c'est pas quelqu'un qui reçoit une révélation de Dieu, mais c'est quelqu'un qui a une grande intelligence et qui est capable d'inventer des idées pour faire croire aux gens des choses, même si c'est pas vrai. Donc, ils croient pas réellement en la prophétie. Pour eux, les prophètes et les philosophes sont au même niveau, au même degré. Naam. Et pour eux, Aristote et Platon, tous ces gens-là, c'était des prophètes aussi, même s'ils n'ont pas reçu de révélation. Ou bien peut-être même qu'ils étaient inspirés par les shayatines. Donc, ça c'est des exemples. Ces gens-là, ils ont régné dans certains pays musulmans à certaines époques, et pas seulement en Égypte, en Afrique du Nord, même en Algérie, ils ont été en Algérie à un certain moment donné, en Tunisie aussi, Al-Ubaidiyya, Iran, peut-être l'Irak à l'époque, oui, à un certain moment donné. Actuellement, ça c'est récent, mais là on parle de choses qui sont passées il y a plus de 800 ans de ça. Et donc depuis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire musulmane. Mais ils étaient en Algérie, en Tunisie, en Égypte, on les appelle les Al-Ubaidiyya, je pense. Ah, Al-Mahdi, oui, parce que leur chef s'était déclaré Al-Mahdi. Hein, c'était déclaré Mahdi. Et il était même au Yémen et dans différentes régions du monde musulman. Même à un certain moment donné, ils ont même pris la Mecque et le Medina, si je me souviens bien. Ils étaient en Afrique du Nord, oui, c'est ça. Al-Qaranta. Oui, c'est ça. La pierre noire, exactement. Ok, oui, c'est ça, exactement. Comme il dit là, c'est ça. Ils ont tué un grand nombre de pèlerins durant le Hajj, hein, les Qaramita, et ils ont volé la pierre noire, ils l'ont amené avec eux à Bahreïn, comme le frère il dit. Et donc ça, c'était qu'est-ce qui est arrivé durant cette époque-là. C'est-à-dire, quand ils n'ont pas de pouvoir, quand ils sont sous le, disons, faible, ils ont ces croyances-là qui sont des croyances secrètes et cachées, parce que bien entendu, ils ne peuvent pas dire ces choses-là ouvertement, sinon ils vont avoir des problèmes avec les pays musulmans et avec les musulmans en général. Donc quand ils font leur da'wah, ils utilisent d'autres techniques. C'est-à-dire, ils appellent pas les gens à croire à leurs idées, mais ils appellent les gens à croire à des principes de justice, à des principes de... Ils utilisent la taqiyya, c'est la même chose les chiens. Sauf que ils sont plus loin dans l'égarement que les chiens rafida qu'on connaît en Iran aujourd'hui. C'est-à-dire, ça c'est un autre degré de kufr. Parce que les rafida aussi sont dans le kufr à cause de du fait qu'ils adorent des tombes et des morts et qu'ils insultent les sahaba et des choses de ce genre. Mais pour ces sectes qui sont batinis, hein, c'est encore plus grave. Bien sûr. Ce qu'on appelle Aga Khan et d'autres. Ça, c'est tous ces sectes-là sont encore aujourd'hui existantes. Non. Oui, Baha'iya. Ben, les Baha'i, oui. Babiya et Baha'i. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Parce que c'est Baha'uddin qui, c'est lui, il appelle ça. Non. Leur bureau, leur quartier général, il est en Israël, les Baha'i. Oui. Et, ouais. Ok. Ah bon, tu vois, subhanallah. Donc, comme le frère il dit, ça c'est une autre groupe, comme les Baha'i, ils sont partout dans le monde, ces gens-là. Hein. Puis, même les Rafida, ils les déclarent yani kuffar, yani c'est pour vous dire à quel point ils sont graves. Et les autres, les Ismaïliya et les Druz et les Nusayriya et tous ces autres sectes, il y en a des musulmans parmi des groupes des tendances modernes comme les Ikhwan qui appellent à des rapprochements avec ces groupes-là et qui disent non, c'est des musulmans, il faut les considérer comme musulmans, peu importe. Même les Noirs des États-Unis qui s'appellent les Black Muslims, les groupes qui suivent Farrakhan, les descendants de Elijah Muhammad, eh ben ces groupes-là, le fondateur, ils disent que Dieu est venu sur terre en noir, comme un homme noir, pour enseigner aux noirs l'islam, et que c'était un nouveau, il a enseigné à Elijah Muhammad, il est devenu son prophète, et donc il a commencé à prêcher ça aux noirs. Mais alors, dans la réalité, c'est que Fard, celui qu'ils disent être Dieu, hein, eh ben lui, c'était un ismaélite. Et tu retrouves dans leurs enseignements, l'enseignement des Black Muslims, beaucoup de principes des Ismaïlites et des Batiniyas, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut comprendre l'origine de leurs croyances. Eh bien, imaginez que parmi les gens qui suivent Farrakhan aujourd'hui aux États-Unis, il y a des groupes parmi les groupes des Ikhwan actuellement qui appellent à inviter, disons, et à accepter Farrakhan et le descendant d'Elijah Muhammad qui est, comment il s'appelle, Mohamed, son fils, c'est Mohamed Warestine Mohamed, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et lui, c'est le descendant d'Elijah Muhammad. Bon, il a rejeté certains principes de son père, c'est-à-dire il ne dit pas que son père est un prophète, mais il l'appelle quand même l'honorable Elijah Muhammad. Malgré qu'il ne dit pas qu'il est prophète, mais il l'appelle quand même honorable. Et d'honorer quelqu'un qui se prétend prophète, ça bien entendu, c'est haram. Et non seulement ça, mais il a plein d'idées qui sont contraires au Coran et à la Sunna, il appelle à plein de déviations, et il l'invite dans leur conférence et dans leur colloque. Les Ikhwan invitent cette personne-là dans leur colloque et dans leur organisation. Et je me souviens qu'à Montréal, ils l'ont invité même à Concordia, l'association étudiante de Concordia, ont invité ce gars-là une fois pour venir parler à Montréal. Et quand on leur disait de la réalité de cette personne-là, ils refusaient d'entendre quoi que ce soit, et ni à son sujet. Donc c'est-à-dire, c'est pour vous montrer comment ces gens-là n'acceptent pas de suivre Yanni les choses clairement, d'une façon claire. Et c'est bien dommage, Yanni, à ce sujet-là. Qui ça, les Batiniens? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Même Ibn Taymiyyah, il a une fatwa à propos des Nusayriyah et des Druz et des Ismaïliyah, il n'y a pas de doute. Non, ce n'est pas des sectes musulmanes. Même s'ils se disent musulmans, parce qu'ils font partie, ils ne font pas partie des 73 sectes. Comprenez? Les 73 sectes parce que le prophète Sansa m'a dit que cette Ummah va se diviser en 73 sectes. Ces 73 sectes sont des sectes qui sont encore à l'intérieur des limites de l'islam. Et il y en a une seule parmi ces sectes-là qui est au paradis, les autres sont en enfer. Mais pas en enfer pour l'éternité, en enfer pour certains temps, puis après ils rentrent au paradis. Mais celles qui sont des sectes qui sont en dehors de ces 73 sectes-là, elles ne sont pas dans l'islam, sont en dehors de l'islam. Elles ne sont même pas dans les 73, sont en dehors des 73. Et il y a beaucoup de choses comme ça, rien. Non. Donc c'est à... voilà la gorge. Répète encore la question. Ah ok, tu veux dire, oui, ok. Oui, ça c'est après. Oui, ça c'est après Jésus. Quand Jésus va être là, probablement qu'il va y en avoir encore des bid'ahs et des innovations. Ça va durer jusqu'à la fin des temps. Tu vois? Ah oui. Quand Isa va venir, il va appliquer la charia, il y aura l'imam al-Mahdi qui va venir en même temps. Bon, il y aura, c'est sûr, disons, à cette période-là, probablement, beaucoup de bien qui va venir, mais après, ça va encore dégénérer. C'est-à-dire, on est sur Terre pour passer une épreuve et un test. C'est pas pour qu'il y ait un paradis sur Terre et que tout soit rose, comme on dit, hein. Donc, il faut toujours qu'il y ait un combat entre la vérité et le mensonge jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on a été créé pour ça, on a été créé pour être testé. Donc, le cheikh, il explique donc que c'est ça. Les Fatimiyoun, c'est eux qui ont commencé. Le Caire, hein, le Caire en Égypte, et tous ces endroits-là où vous voyez les grosses constructions sur les tombes et tout ça, ben ça a été fabriqué à l'époque des Fatimiyoun en Égypte. Et aujourd'hui, il parle de l'architecture de cette époque-là et tout, et ils parlent de ça d'une belle façon, alors que des fois ils font ça juste pour essayer de préserver justement ces monuments-là qui sont des monuments construits sur les tombes. Et il y a des cimetières antiques que si vous les voyez dans certains pays musulmans, c'est comme des villes. J'ai vu une photo dernièrement de certains cimetières dans les pays musulmans, et vous voyez que c'est vraiment, on dirait que c'est des villes qui ont été construites, Yanni. Et même, il y a un frère qui me dit que en Égypte, ils ont construit même il y a des gens qui habitent dans ces endroits-là. C'est-à-dire, ils ont ramené même l'électricité dans ces tombes-là, puis il y a des gens qui habitent à ces endroits-là parce qu'ils n'ont pas de maison. Donc, ils habitent dans les cimetières, dans les tombes. Et ça, c'est haram, Yanni. Ah, ok, ils ont montré ça dans les tombes, hein, et tout. Donc c'est pour dire comment les gens sont loin de... dans le cimetière, oui, c'est ça. Et j'ai vu, bon, la photo de Al-Baqi'a, je ne sais pas si vous l'avez vue ou si vous n'êtes pas allé. En tout cas, lorsque vous allez y aller, Inch'Allah, ou bien sinon, si vous faites une recherche peut-être sur Internet, vous allez trouver la photo de Al-Baqi'a, vous allez voir, c'est une terre plate et il y a quelques rochers pour délimiter l'endroit où une personne a été enterrée et c'est tout. Exactement. C'est ça la sunna, oui. Il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de... Tous ces bid'as là, il n'y en a pas. Donc ça c'est l'exemple. Ok. Et donc, ça c'est... Qui a amené les constructions et tout ça? Même al-Baqi, il y avait des constructions à une certaine époque, mais bon, quand les gens qui ont amené la da'wah salafie en Arabie Saoudite, lorsqu'ils sont entrés dans al-Madina et Mecca, eh ben ils ont nivelé toutes ces constructions-là, ils les ont ramenées au sol, donc ils les ont rasées. Donc c'est pour dire que ils ont détruit ces formes de shirk-là, ou ces moyens qui amènent les gens au shirk. Et bien entendu, les gens de Bid'a étaient enragés et en colère quand ces choses-là se sont produites. Pour eux, c'était un blasphème, et pour eux, c'était considéré comme quelque chose de, comme un crime, yani, qui avait été commis envers les salihin et les hommes pieux. Ils ont dit, mais comment ils osent faire ça? Ce sont des fous, ils détestent les hommes pieux. Ce sont des gens qui sont égarés, hein, c'est une secte wahhabia et tout ça, donc oui. Le Farrakhan, aux États-Unis, tu veux dire? Mais aux États-Unis, ils laissent tout le monde parler, c'est pas seulement les gars du Farrakhan qui critiquent le gouvernement américain. La base du système démocratique, c'est soi-disant que tout le monde a le droit de dire qu'est-ce qu'il veut de n'importe quoi. Il n'y a pas de respect pour l'autorité, le gouvernement ou quoi que ce soit. Tout le monde peut critiquer tout le monde, n'importe comment. Mais bon, des fois c'est... Allahu a'lam, pourquoi ils laissent les gens dire n'importe quoi comme ça? Peut-être ça fait partie de leur plan aussi. Ça fait partie de leur... Ouais, exactement, parce que de critiquer les... Si c'était des musulmans corrects, la façon de critiquer le gouvernement, c'est que tu vas vers les gens responsables et tu t'adresses à eux dans le but de les conseiller. Ou si tu peux pas les conseiller directement, mais tu passes par, disons, des gens qui sont capables de leur transmettre le conseil. Dans le but de corriger les problèmes, pas de les empirer, ou de se montrer devant la masse comme si tu dis, regarde, moi je suis courageux, j'ai le courage de dire tout haut que le gouvernement est pas bon ou qu'ils font des choses mauvaises. Et il n'y a pas de sincérité là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala que ces gens-là font ça. C'est pour se faire remarquer les autres. Tandis que celui qui, ou pour, ouais, pour montrer, pour faire de la publicité pour son parti. Mais s'il était vraiment sincère et qu'il voulait corriger les problèmes, il va voir les responsables et il donne son conseil aux responsables pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le responsable accepte son conseil, il aura des hasanats pour ça, et si le responsable n'accepte pas son conseil, il a quand même des hasanats pour ça, et au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, tu as fait ce que tu avais à faire, et lui, le dirigeant, il aura sa punition s'il n'a pas écouté le bon conseil. Mais ce n'est pas à toi de, disons, vouloir punir le pouvoir parce qu'il ne t'a pas écouté toi, parce que ce n'est pas toi le pouvoir. C'est comme si ton père, supposons ton père, tu lui donnes un conseil puis il ne t'écoute pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire à ton père? Tu vas le punir parce qu'il ne t'a pas écouté? Donc le dirigeant, il est comme ton père, tu comprends? Et donc c'est pas parce que toi tu as une meilleure idée que ton père, que tu as le droit de l'insulter ou de le frapper ou de dire des choses de ce genre. Alors, donc il faut reconnaître l'autorité, puis le niveau d'autorité que la personne a sur toi, puis le respecter pour cette autorité-là. Même si tu es en désaccord avec lui, ça ne veut pas dire que tu as le droit de le frapper ou de faire des choses contre cette autorité-là. C'est comme le policier s'il te frappe dans la rue. S'il te frappe, s'il te frappe le policier, bon, c'est sûr que tu peux faire une plainte contre lui. Mais si toi tu le frappes, c'est pas la même chose. Parce que là, c'est contre le système que tu t'attaques. Et là, ça va être beaucoup plus grave pour toi, la conséquence, si toi tu le frappes, ça va être beaucoup plus grave que si lui il te frappe. Mais c'est normal dans un sens. Même si c'est une injustice ce qu'il fait, mais tu peux pas corriger cette injustice par une injustice. Hein? Donc il faut voir, mettre les choses en perspective. Aujourd'hui, les gens pensent d'une autre façon, bien entendu. Il y a des anarchistes et des... On s'est un peu éloigné du sujet. Mais on va revenir à notre dars, inshallah. Le cheikh, il dit, « Hum shi'a al-fatimiyoun, summa qalladahum » Par la suite, qui les a suivis, les fatimiyoun, dans la construction des tombes, sur les tombes? C'est les soufis, parmi ceux qui se prétendent être sunnites. Ils ne sont pas chiites, mais ils ont ramené parmi les ceux qui se disent sunnites, ils ont ramené chez eux cette mauvaise chose-là. Et déjà à la base, le soufisme, il vient des chiites, ok? Et c'est, ça a été, disons, le bras qui a permis, disons, de faire entrer dans le monde ce qu'on appelle sunnite. Plein de choses qui sont contraires à l'islam à travers le soufisme, ok? Ça a été une porte d'entrée pour plusieurs formes d'égarement dans le monde musulman. Ok. Et la Oumma, elle souffre encore jusqu'à aujourd'hui du mal de ces tombes et de ces choses qui ont été construites par-dessus, et c'est une fitna pour les gens, et le shirk est apparu dans la Oumma à cause de ça. Et personne qui croit en Allah et en son messager ne peut être d'accord avec ce genre de choses, parce que c'est une forme de shirk apparent. Il y a dans les pays musulmans des gens qui sont nés dans des familles où les gens pratiquent ces rituels-là, ou c'est le culte des tombes, ok? Et quand ils vont chaque année dans les mawasim et les fêtes qui sont organisées pour les tombes, eux, ils sont contre ça. Et au fond de leur cœur, ils le rejettent et ils ne sont pas en accord avec ça. Toutefois, ils ne savent pas comment répondre. Ils ne peuvent pas les rejeter ouvertement parce qu'ils ont peur soit des critiques des gens, et en même temps, ils n'ont pas les arguments islamiques pour répondre à ces formes d'égarement-là. Et le meilleur d'entre eux, c'est peut-être celui qui va dire qu'il n'est pas d'accord. Hein, mais il ne va pas le dire peut-être ouvertement ou avec beaucoup de conviction. Bon, c'est peut-être aussi à cause de l'ignorance de cette personne qui n'a pas les arguments pour les affronter ceux qui pratiquent ces choses-là. Le cheikh dit, « وَأَصْبَحَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدْ عَلَى الْقُبُورْ أَوْثَانًا » C'est des formes de shirk apparentes, et ces constructions-là sur les tombes, c'est devenu comme des idoles aujourd'hui. Et les gens qui grandissent dans ces pays où il y a des choses comme ça qui se produisent, eh bien pour eux, ça fait partie de l'islam. Ça fait partie de l'islam. Je lisais dans un journal communautaire qui est écrit ici à Montréal, là ils se préparent maintenant pour fêter qu'est-ce qu'ils appellent le Maulid. Je pense que c'est bientôt qu'ils vont le faire. C'est quelle date, je sais pas. Vous savez pas? Le 8? Ah, le 8 mars, ok. Ouais. Ah, d'accord. Donc c'est ça. Non, c'est pas que c'est. Et le 8 mars aussi, je pense que c'est la journée internationale de la femme aussi, en même temps. Donc les deux jours tombent en même temps. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, ah oui, donc ils font la publicité pour ça, hein. Ils font des spectacles, des chanteurs qui vont chanter pour fêter la fête. Déjà ils font une bid'a, et en plus ils rajoutent des péchés avec, hein, pour la célébrer. Et non seulement ça aussi, mais c'est que il y a une annonce qu'ils ont fait, une publicité pour les musiques gnawa. Hein, ils font des spectacles maintenant. Vous savez, les gnawa, puis les Issaouia, puis les Jalala au Maroc et dans d'autres pays, ils font des cérémonies de transe, hein, et ils appellent les djinns, et puis toutes sortes de choses comme ça. Ils font des affaires de shaitan, yani. Ils adorent le shaitan et les djinns. Et ben, maintenant, c'est devenu, comme les gens qui tournent en rond, là, les derviches, ils vont à travers le monde pour faire des spectacles. Et ben, maintenant, c'est la même chose avec les gnawa. On leur a donné, soi-disant, un titre culturel et artistique. La musique arrohiya, les musiques spirituelles. Donc, c'est des exemples d'égarements que ces gens-là font. Puis maintenant, les soi-disant les Occidentaux, eux, sont toujours curieux et attirés par ces choses-là. Puis ils voient que c'est comme mystique. Ouais, pour eux, c'est ça qu'ils aiment, les trans et les trucs de ce genre. C'est comme du voodooisme, Yannis. Si tu regardes ce qu'ils font, c'est la même chose que le voodooisme en Haïti. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais ben, il y a des gens qui grandissent là-dedans, puis qui pensent que c'est en accord avec l'islam, et que celui qui critique ça a sorti de l'islam. Donc ils ont, eux, ils ont renversé tout à l'envers. Comme ceux qui disent, nous avons trouvé nos pères en train de suivre une religion et nous suivons leurs traces. Et ils n'essaient pas de regarder est-ce que c'est en accord avec la révélation ou non. Et donc ceux-là sont les pires créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils s'imaginent eux être les meilleures personnes parmi les êtres humains. ثم ذكر شيخ الإسلام عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث وهي قوله فهؤلاء يعني اليهود والنصارى جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل فتنة القبور هي الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات أو يعني نعم متعبدات وهذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. الشيخ لما سنين تعالى عليكم السلام ورحمة الله على suite du hadith de qu'on a mentionné tout à l'heure, Cheikh Ibn Taymiyyah quand il a dit les Juifs et les chrétiens, c'est-à-dire c'est eux qui ont construit sur ces tombes-là des lieux d'adoration, il a dit ils ont réuni les deux fitnas. La première fitna, la fitna des tombes, et la deuxième fitna, la fitna des statues et des images. Ok, donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a dit. Puis après il dit fitna tul qubur, il y a le ghulu fil qubur, wa ta'zim al qubur. La fitna des tombes, c'est l'exagération au sujet des tombes. L'exagération pour montrer trop d'exagération envers les tombes, les vénérer, et les prendre comme des lieux d'adoration, et c'est une grande fitna dans les nations qui sont passées et dans les nations même aujourd'hui. Et la deuxième fitna, fitna al-tamathil, wa hiya fitna qadima kama fi qissati qawmi Nuh alayhi salam. Fa qawmi Nuh innama waqa' al-shirk fihim bisabab nasb al-tamathil wa waqa' al-shirk fi al-yahud bisabab tamathil aw timthal al-ajl alladhi alayhi al-samiri. ووقع الشرك في النصارى بسبب نصب الصليب على صورة المسيح بزعمهم ويخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد الصالحين فيها فهذه فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. La deuxième fitna, c'est la fitna des images et des statues, et c'est une fitna qui est très ancienne. Elle est apparue dans le peuple de Noé, comme on l'a expliqué, et c'est comme ça que le shirk est apparu dans le peuple de Noé, à cause des images et des statues. Et c'est apparu aussi chez les Juifs, le shirk, lorsqu'ils ont fait la statue d'un veau en or, et yani, donc le shirk est entré chez eux à cause de ça, et chez les chrétiens, c'est lorsqu'ils ont pris la croix, comme une idole, ok, et ils adorent la croix. Donc ça c'est une forme de shirk. Peu importe, même si à travers un stylo tu peux faire des miracles, t'as pas le droit de l'adorer, tu comprends, puis de le prendre comme un symbole ou de le prendre comme une idole. Peu importe qu'est-ce que tu peux faire avec, même si t'as une baguette magique et puis t'es capable de faire plein de trucs avec, t'as pas le droit de l'adorer. C'est pas parce qu'il fait ça que tu peux l'adorer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu comprends? Ouais. Et même les médicaments, c'est une cause pour la guérison, mais c'est pas eux qui guérissent par eux-mêmes, hein. Donc, t'avais un point à mentionner. Oui. Non. Barakallahu fik. C'est ça. Donc, comme le frère, il dit, à propos des images, même beaucoup d'ulama, ils refusent de se faire photographier à cause de ça. Ok? Et, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il y a dans certains pays musulmans, et même ben non musulmans, ça on n'a pas besoin de mentionner, mais dans certains pays musulmans, il y a des statues qui ont été faites de certains personnages comme des scientifiques ou des hommes célèbres dans l'histoire, et on a construit leurs statues comme ça, et ça c'est quelque chose aussi qui est dangereux, qui peut amener des gens à tomber dans le shirk. Le shaykh dit « Wa qala lahuma ay al-Bukhari wa muslim » عنهم عنها قالت أو يصير لوط حديث منا وبيصير منا فآ في الـ الشيخ اللي فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أو أن يتخذ مسجدا أخرجاه. On va expliquer ça. Ça, c'est les paroles d'Ibn Taymiyyah qui ont été mentionnées à la suite de la mention de ce hadith. Il a dit que ces gens-là, les gens de Habasha, les gens de l'Éthiopie à l'époque, qui étaient des chrétiens, ils ont réuni, comme on l'a expliqué, deux fitnas. La fitna des tombes et la fitna des images. Et après, il a dit, et aussi, ça a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha, je crois, radiallahu anha, si je ne me trompe pas, que lorsque l'amma nous ila bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam approchait de la mort, il a pris son manteau puis il s'est couvert le visage avec. Puis après il l'a retiré, puis il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Puis, par la suite, Aïcha, radiallahu anha, elle dit, il avertissait au sujet de ce qu'ils ont fait pour pas que sa tombe soit, pris comme, pour pas qu'on construise sur sa tombe quelque chose pour la faire apparaître ou la faire sortir. Et s'il n'avait pas fait ça, donc les gens auraient montré sa tombe, donc ils l'auraient fait sortir. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti de faire ça parce qu'il craignait que les gens prennent sa mosquée, prennent sa tombe comme une mosquée. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant sa mort, il a averti les musulmans de pas faire ça, de pas faire comme les Juifs et les chrétiens ont fait pour leurs prophètes à eux et pour leurs hommes pieux à eux. Et donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur eux à cause de ça. Bon, on va commencer à expliquer ce hadith, puis on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut pas terminer aujourd'hui, on continuera demain inchallah. Le cheikh dit que Al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté que Aïcha radiallahu anha, elle a dit, lorsque la mort est arrivée, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche de la mort, sallallahu alayhi wa sallam, tafiqa min af'al al-shurur, inda ahl al-lugha, ay ja'ala yaf'alu kada. Donc, il a commencé à prendre son vêtement. Yatrahu khamisahu, khamisatahu, khamisatan. أي يضعها والخميصة كساء له أعلام أي فيه خطوط على وجهه يغطي وجهه بها وهو في هذه الحالة فإذا اغتم بها أي ضيقت نفسه صلى الله عليه وسلم كشفها من أجل أن يتنفس. Donc il a couvert son visage avec son vêtement et lorsqu'il était comme il a enlevé cette couverture ou ce vêtement de son visage pour respirer, puis il a dit, lorsqu'il a découvert son visage, comme le cheikh dit, فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ونصيحة الأمة صلوات الله وسلامه عليه. C'est-à-dire, même dans ce moment-là, qui est un moment très très difficile, c'est-à-dire qu'il est en train de mourir, il n'a jamais arrêté de faire la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala et d'expliquer aux gens le tawhid. Même avant de mourir, jusqu'à la fin de sa vie, il a continué toujours à faire la da'wah. Et à donner la nasiha à sa umma et à dénoncer le shirk. Salawatullahi wa salamu alayhi. Et donc, le shaykh dit, « وَالْمُنَاسَبَ أَنَّهُ لَمَّا شَعَرَ بِالْمَوْتِ خشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل من قبلها من الأمم عند قبور الأنبياء والصالحين، فلم يترك الفرصة تذهب، إنما استغلها بالنصيحة للأمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة، فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعين. وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا قبل غيره، قبل أن يحثوا الناس على الصلاة والصيام وترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر، قبل ذلك ينهونهم عن الشرك، لا سيما إذا كان واقعا في الأمة، فالسكوت عنه من الغش للأمة، فلا بد أن يبدأ به وأن يعمل على إزالته قبل كل شيء، لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال. الشيخ الذكر للبروفيسور صلى الله عليه وسلم إن جميل أبادوني l'occasion d'appeler les gens au tawhid et de les avertir contre le shirk, même jusqu'à sa mort il a continué à faire ça. Et donc ça veut dire que lorsqu'il a senti qu'il était proche de la mort, il a eu peur pour sa Oumma, que sa Oumma fasse la même chose avec sa tombe que les gens avaient fait parmi les Juifs et les Chrétiens avec la tombe de leurs prophètes et de leurs hommes pieux. Et donc il n'a pas laissé l'occasion s'en aller pour donner, il a donné la nasiha pour la Oumma. Et lorsqu'on voit l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a averti du shirk, même dans une état pareil, ça nous montre que d'avertir contre le shirk c'est quelque chose qui est obligatoire pour chaque musulman et que pour chaque individu, et que c'est obligatoire pour les gens qui sont des du'ats et qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala de se concentrer et de mettre une importance sur cette question-là, avant toute autre question et avant tout autre sujet dans l'islam, et qu'ils incitent les gens, c'est-à-dire avant de dire aux gens de faire la salat, de faire le jeûne, d'abandonner al-riba, d'abandonner al-zina, d'abandonner l'alcool, et des choses de ce genre, il faut avant tout, toutes ces choses-là, avertir les gens contre le shirk et leur faire comprendre de ne pas prendre le shirk à la légère. En particulier, quand on sait que le shirk est présent dans la Ummah. Donc de se taire au sujet du shirk, c'est une forme de trahison pour la Ummah. C'est une forme de tromperie pour la Ummah. Et donc il faut commencer par ce péché-là. Et dernièrement, il y a un frère qui me parlait d'une chose qui s'était passée dans un pays musulman. Il y a des gens qui ont fait un grand péché là, dans un certain pays musulman. Et là, soi-disant, les gens se sont réunis ensemble dans la rue pour faire une marche de démonstration contre ce péché. Et ils ont lancé des pierres sur la maison où ces gens-là étaient et tout ça. Pour un péché qui s'est produit, c'est sûr que c'est un grave péché. Toutefois, le shirk est commis et personne ne dit rien. Et c'est accepté dans la société. Tandis que ce péché-là, c'est sûr que c'est grave, c'est sûr que c'est haram, mais c'est moins grave que le shirk. Hein? Donc c'est pour ça. Sur les toits. Donc les gens dénoncent le péché, mais le shirk, pas grave. Alors que le shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Quelqu'un associé avec Allah dans l'adoration. Tandis que les autres péchés, si quelqu'un qui est sur le tawhid et qui croit en Allah, qui sait qu'est-ce qu'il fait, c'est haram, il meurt sur son péché, il rencontre Allah, Allah peut le punir et et le mettre en enfer un certain temps, puis il sort de l'enfer par la suite, il rentre au paradis parce qu'il n'a pas fait de shirk. Hein? Mais celui qui meurt sans le tawhid, qui meurt sur le shirk, lui, il n'a pas d'espoir pour entrer au paradis, jamais. Même s'il parle au nom de l'islam, même s'il fait tout ce qu'il fait, que c'est des choses de ce genre. Donc ça, ça nous montre un exemple, là, comment l'importance de faire comprendre aux gens que l'islam, c'est le tawhid. C'est ça l'islam. Et sans tawhid, il n'y a pas d'islam, même s'il y a tout le reste. Ok? Le cheikh dit, il faut donc travailler pour éliminer et enrayer le shirk avant toute chose. Parce que si la aqida elle est propre, le reste des actions, ça va être correct. Amma idha fasadat al aqida, fala fa'idat fil a'mal kulliha. Idha fasadat al aqida, fala fa'idat fil a'mal kulliha. Walau turika al riba, wa tasaddaqa bimalihi, wa salla al layl wa al nahar, wa sama al dahr, wa hajj, wa atamara, wa indahu shay min al shirk al akbar, fa inna a'malahu تكون هباء منثورا لا فائدة منها. أما إذا كان موحدا خاليا من الشرك فلو وقع في الكبائر ولو وقع في الزنا ووقع في الربا ووقع في المحرمات التي دون الشرك فإنه يرجى له المغفرة، وإن عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار، وهو مؤمن موحد حكمه حكم المؤمنين، ولا بد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه وإن كان ضعيفا. أما إذا كان عنده شرك أكبر فهذا لا فائدة في أعماله، لو ترك المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها ولم يجتنب الشرك فإنه لا فائدة في أعماله، فكيف إذن نهتم بجوانب فرعية أو جوانب جزئية ونترك الأمر الخطير يعج في جسم الأمة الإسلامية، ولا نحذر منه ولا ندعو إلى تركه ولا نسعى في إزالته عن الأمة بحجة أننا نريد أن نجمع الأمة كما يقولون. دونك الشيخ الزي سي العقيدة إلي بان لغاية سيطر بان. Mais si la aqida est pas bonne, alors toutes les autres actions que tu peux faire ne comptent pas. Ça ne sert à rien. Même si tu vas abandonner le riba et l'intérêt, tu vas abandonner les péchés, tu vas donner sadaqa avec tes biens, tu vas prier la nuit et le jour, tu vas faire le jeûne toute ta vie, tous les jours, tu vas faire le hajj, tu vas faire l'umrah, hein, tu vas faire toutes les œuvres que Allah t'ordonne de faire, et que tu fais le shirk majeur, shirk al-akbar, toutes tes actions seront de la poussière au jugement dernier, tu n'en auras aucune action qui va être acceptée. Hein? Donc, tes actions vont être inutiles. Mais, si tu meurs sur le tawhid, et que tu n'as pas de shirk, donc même si tu as commis certains grands péchés, même si tu as fait le zina, même si tu as mangé du riba, même si tu as fait des grands péchés qui sont moins graves que le shirk, alors on peut espérer pour toi ou pour celui qui a fait ça un pardon. On peut espérer pour lui un pardon. Et il peut rentrer au paradis avec son tawhid, même s'il est par exemple puni pour ses péchés. Il ne sera pas dans l'enfer éternellement parce qu'il est un croyant et il est sur le tawhid. Il n'a pas commis de shirk. Il a fait des péchés, mais qui sont moins graves que le shirk. Donc, il fait partie des croyants, même si sa foi est faible. Hein, il est croyant avec une foi faible, mais il va quand même absolument rentrer au paradis avec son tawhid et sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui a une atome de foi, il ne va pas rester éternellement dans l'enfer. Hein, donc, ça veut dire, كل من له حبة خردل من إيمان لا يخلد في النار. Celui qui a une atome de foi, il ne reste pas dans l'enfer pour l'éternité. Donc ça veut dire tant que tu as le tawhid, tu ne restes pas éternellement dans l'enfer, même si tu rentres. Donc ça veut dire que c'est ça l'important, que tu restes sur le tawhid. Mais si tu fais le shirk, Regardez par exemple les moines chrétiens qui se renferment dans les monastères, dans des montagnes, que certaines personnes, on ne sait même pas où est-ce qu'il est ce monastère-là, tellement il y en a des monastères qui sont creusés dans les montagnes, à l'intérieur des montagnes, et que quand quelqu'un rentre là-dedans, il ne sort jamais. Ces gens-là, ils prient du matin jusqu'au soir, des fois même ils dorment même pas, ils font juste prier. Tous ces gens-là qui font des prières et qui adorent, et qui s'éloignent de soi-disant des péchés, eh bien, aucune de leurs actions ne sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils font le shirk, ils adorent d'autres avec Allah, ils adorent Isa, ils adorent d'autres avec Allah, donc Allah n'accepte pas parce qu'ils font le shirk. Mais celui qui fait des péchés, hein, et qui fait des choses haram, des grands péchés, qui meurt sur le tawhid, il rentre au paradis. Même s'il est puni un certain temps en enfer, hein, c'est sûr que c'est pas plaisant, hein, on sait pas combien de temps non plus, parce que pour quand on parle de l'akhirah, c'est pas comme le temps qu'on connaît dans cette dunya, hein, mais c'est sûr quand même qu'il va sortir, il va quand même goûter à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à un certain moment donné. Hein, donc c'est ça qui est important de comprendre. Mais si il meurt, quelqu'un meurt sur le shirk akbar, eh ben ses actions ne seront d'aucune utilité pour lui. Et si, même s'il a abandonné les graves péchés, et même s'il a fait toutes les obligations qu'il devait faire, hein, s'il ne s'est pas écarté du shirk, ses actions sont inutiles. Donc il y a des gens maintenant aujourd'hui, quand ils voient un mouchrik ou un kafir qui est gentil et qui est bon, il aide les pauvres, il aide les gens, il fait du bien, il dit, ah lui il est correct, il est gentil. Mais au jugement dernier, quand il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça l'important. Pour qui il a été gentil? Est-ce que c'était pour que les gens voient qu'il est gentil? Pour que les gens lui disent merci? Pour que les gens voient qu'il est généreux? Ou bien c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour avoir la récompense du paradis? Pour Allah? Non, c'était pas pour Allah qu'il l'a fait, parce qu'il croit même pas en Allah. Ou bien peut-être qu'il l'a fait pour Allah et pour les Isa et Maryam et d'autres parmi les idoles, et d'autres parmi les gens qu'il adore en dehors d'Allah. Et donc ça c'est le shirk. C'est pas l'important seulement de faire le bien, mais pourquoi tu fais le bien et pour qui tu fais le bien, c'est ça l'important. Et c'est ça la distinction entre le tawhid et le shirk, que beaucoup de gens négligent ou ne donnent pas beaucoup d'importance. Ça dépend de quel point ils ont dévié. Si comme tu dis par exemple les chiites qui sont des rafidas, qui adorent les tombes, hein, qui prient les morts, ça c'est shirk akbar. Allah n'a pas accepté leurs actions. Même s'ils se donnent le titre musulman, même si quelqu'un prend un stylo et il écrit musulman sur son front, puis qu'il fait le shirk, il n'est pas musulman. C'est pas le titre, qu'est-ce que tu dis avec ta bouche, qui fait que tu es musulman. C'est qu'est-ce que tu pratiques et qu'est-ce que tu crois dans ton cœur qui fait que tu es un musulman. C'est pas une carte d'identité qui dit avec dessus marqué musulman qui dit que tu es musulman. C'est pas ton passeport qui est écrit musulman qui dit que t'es musulman. C'est pas ton baptistère, ta preuve de naissance qui est écrit musulman dessus qui fait que t'es musulman. C'est qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu pratiques. C'est ça ce qui fait que t'es musulman. Tu comprends? Donc, si quelqu'un dit je suis musulman, puis après il va adorer une tombe, il n'est pas musulman. Walaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu comprends? Donc ça c'est très important de comprendre ça. Et donc, le cheikh il dit que il y a des gens, tu les vois, ils s'attardent à des choses qui sont des branches ou des détails de la religion ou des choses qui ne sont pas des fondements et ils laissent circuler le shirk, alaykum salam wa dans la Ummah, et ils n'avertissent pas les gens à abandonner le shirk dans la Ummah. Soit disant parce qu'ils veulent unir Kamal. J'ai presque fini. Non, je te laisse faire le adhan, hein, parce que soi-disant ils veulent unir la Ummah. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, puis on continuera ça demain, bi'ithnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wa iyyakum.